Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blue des Barrales 1882. Le monnaire ou géniteur universel. Historique du monnaire, sa filiation, les protistes, notre aïeul fut un asticot, l'homme hermaphrodite, puis père nourricier, puis nourrice sèche, rapprochement avec les crapauds mâles. Il ne saurait être question ici de l'ancêtre direct et spécial de l'homme, Darwin ne nous ayant rien laissé ignorer à cet égard. Nous savons parfaitement, qu'avant de devenir homme, nous avons été poissons, puis marsupiaux, puis singes, il n'y a donc plus à y revenir. Le géniteur dont il s'agit maintenant est le père commun de toutes les espèces animales qui, depuis l'origine du monde, ont paru sur le globe. Il a reçu de Haeckel le nom de monnaire. Voici, en peu de mots, son historique. Le monnaire a été retiré des profondeurs de la mer. Sa grosseur est celle d'une tête d'épingle. Il est uniquement formé d'albumine, sans aucune enveloppe et sans trace d'organisation intérieure, mais il s'organise au besoin. Pour se mouvoir, il projette au dehors des appendices digitiformes, qui deviennent ses organes de locomotion et disparaissent au repos. Pour se nourrir, il se frotte aux particules organiques qui flottent dans l'eau, sa surface s'irrite et les absorbe. Quant à sa reproduction, elle se fait par dédoublement. Supposez au monnaire un noyau et une enveloppe, vous aurez un nouvel être un peu supérieur qu'on a nommé Ameba. L'Ameba, le monnaire et d'autres êtres de même provenance forment le groupe des protistes. Darwin tire de cette filiation ou plutôt de cette fantasmagorie les déductions suivantes. Les premiers ancêtres dont nous retrouvons trace ont consisté en un groupe d'animaux marins ressemblant aux larves des ascidiens. Les larves des ascidiens. Mais qu'est-ce qu'une larve? Je copie la définition qu'en donne le dictionnaire d'histoire naturelle. Larve, insecte, tel qu'il est au sortir de l'œuf, est vulgairement appelé asticot. Quelle chute, grand Dieu, le géniteur universel un asticot. Nous n'en sortirons donc pas de toute cette affreuse parenté. J'aimais encore mieux l'amphioxus. Songez donc que vous allez d'un mot bouleverser toute une industrie des plus intéressantes, celle des pêcheurs à la ligne. Quel est celui d'entre eux qui ne sentira pas la gaule lui échapper des mains, quand il apercevra ainsi le doyen de tout ce qui respire accroché à son hameçon, avus suspensus à bas mot, grand-père pendu à un crochet. Mais enfin, arrivons à ce qui nous concerne plus personnellement et voyons comment se comportera la descendance de cet étrange aïeul. L'homme, dit Darwin, a été autrefois hermaphrodite androgyne. Voilà qui promet. Darwin entre, à ce propos, dans certains détails techniques quelque peu scabreux, que je ne crois point devoir reproduire, puis il continue. Le soupçon m'est souvent venu à l'idée que, longtemps après que nous avions cessé d'être hermaphrodites, les deux sexes avaient encore sécrété du lait et nourri leurs petits. Bon, nous voilà maintenant devenus pères nourriciers. J'avais bien entendu parler de Silène, comme ayant rempli ses fonctions près de Bacchus, mais je n'avais lu nulle part que cela eût été jusqu'à l'allaitement. Vers quelle époque, se demande encore Darwin, avons-nous cessé de sécréter du lait? En d'autres termes, sommes-nous passés à l'état de nourrice sèche? Il présume que ce fut à dater du moment où les femelles, procréant moins de petits, n'eurent plus autant besoin de l'aide des mâles. L'inactivité des glandes mammaires entraîna, dit-il, chez ceux-ci leur atrophie. Cela me paraît assez logique. Mais, remarque Darwin, si nous sommes déshérités maintenant des douceurs et des jouissances de la maternité dans ce qu'elles ont de plus intime, on voit encore par comparaison avec certains animaux que nous les avons connus autrefois, et il cite, à cette occasion, de touchants exemples empruntés à des espèces qu'il déclare voisines de la nôtre, ou par lesquelles nous avons dû passer. Les mâles des poissons cygnates reçoivent, dit-il, dans leur poche abdominale, les œufs de leurs femelles qu'ils font éclore eux-mêmes et qu'eux-mêmes ils nourrissent ensuite. Certains autres poissons mâles couvent les œufs dans leur bouche ou dans leur cavité branchiale avec des précautions merveilleuses. Il est des crapauds mâles, drôles d'ailleurs encore que ceux-là, qui prennent les chapelets d'œufs aux femelles et les enroulent délicatement autour de leurs pattes, où ils les tiennent jusqu'à ce que les têtards soient éclos. Certains oiseaux mâles accomplissent sans aide tout le travail de l'incubation de l'œuf. Mais je n'en finirai pas, si je voulais suivre Darwin sur ce terrain, tant il semble s'y complaire par les exemples qu'il multiplie. Mieux vaut donc attaquer d'autres points plus essentiels parmi ceux qui nous restent à traiter. Commençons par ce qu'il appelle les variétés transitoires. Les variétés transitoires. Ce qu'on entend par variétés transitoires, leur signification, Monsieur de Barande, Deval Roger, impossibilité d'en trouver de traces, une grenouille fossile avec son têtard, il n'y a de transitoire que le darwinisme. Bien que nous sachions déjà ce qu'il faut entendre par les mots variétés transitoires, laissons encore Darwin nous en expliquer le sens et la portée. Voici comment il s'exprime. Toutes les espèces animales actuellement existantes proviennent des espèces primitives à l'état embryonnaire, c'est par l'évolution successive de chaque nouveau sujet qu'elles ont fini par atteindre, en se transformant, le type qui les caractérise aujourd'hui. Et comme la nature ne procède jamais par bonds, l'espèce qui suit n'est point complètement isolée de celle qui la précède, elle s'y rattache par certains individus mixtes qui tiennent de l'un et de l'autre, ce sont les variétés transitoires. Rapprochons maintenant cette déclaration de Darwin de ce que nous avons dit plus haut des fossiles ensevelis dans les entrailles même de notre planète, et de leur disposition par étage sous les alluvions qui les isolent. Les fossiles, d'après la place qu'ils occupent, indique l'ordre dans lequel telle espèce a disparu, puis telle autre a apparu sur le globe, ce sont, par conséquent, comme les médailles des anciens jours qui éclairent le géologue, absolument comme les médailles des anciens règnes éclairent le numismate. Voilà donc la question ramenée au terme d'une véritable enquête. Il est de toute évidence que, si le système de Darwin est vrai, on devra rencontrer, entre chaque plan de fossiles, les espèces intermédiaires qu'il suppose avoir ménagé les transitions. Or, la paléontologie donne à toutes ces hypothèses les démentis les plus formels. Voici en effet ce qu'elle nous apprend. Nulle part on n'a trouvé la moindre trace d'un seul de ces êtres dont l'existence, si positivement affirmée par Darwin, forme la base de son système. Et cependant ce ne sont pas les recherches qui ont manqué. Jugez-en plutôt, Monsieur de Barande, dans ses intéressantes études sur les trilobites, les a fait porter sur 350 espèces, or il n'a rencontré aucune nouvelle forme spécifique offrant un caractère permanent de variation. On a exploré, dit Monsieur Hyacinthe Deval Roger dans son livre sur la genèse des espèces, les terrains paléozoïques dans les îles britanniques, en France, en Allemagne, en Espagne, en Portugal, en Sardaigne, dans les Alpes, en Saxe, en Bohême, en Scandinavie, en Russie, sur un très grand nombre de points de l'Asie, dans les deux Amériques, dans l'Afrique méridionale et en Australie. Les flores et les faunes fossiles, partout recueillies dans ces terrains, ont été soigneusement décrites, et celles qui appartiennent à une localité non moins minutieusement comparées avec celles des autres contrées. Les régions où l'on a étudié les terrains secondaires, tertiaires et quaternaires, sont encore plus nombreuses. On y a ainsi découvert plus de 25 000 espèces fossiles. Or, ces espèces sont distribuées dans un ordre tout différent de celui qu'elles devraient présenter, si les théories transformistes étaient fondées. Elles offrent, de plus, au lieu de caractères vagues et incertains, des caractères aussi définis dans leur genre que ceux des espèces actuelles, ce qui prouve que ce sont des créations primordiales et non des dérivations. Ainsi donc, les explorations que relate M. de Val-Roger, et qui devaient servir de sanction à la théorie de Darwin, ont abouti au contraire à une dénégation absolue de cette théorie, ce résultat du reste entracé dans les habitudes du système. M. de Val-Roger ajoute, il ne s'est pas rencontré, dans cette immense agglomération de matériaux, une seule espèce de forme transitoire, une seule. Voilà donc ce qu'a produit cette fameuse loi de transformation, doublée de ces deux inévitables acolytes, la lutte pour la vie, et la sélection naturelle. Les montagnes en travail enfantent une souris, et encore, ici, la souris est de trop. Que répond Darwin à d'aussi accablants témoignages? Il est bien forcé de convenir que la manière la meilleure de justifier sa théorie serait d'opposer fossile à fossile, malheureusement il lui est impossible de mettre la main sur un seul. Et cet heureux phénix est encore à trouver. Pardon, il est trouvé. Seulement il représente un argument de plus à opposer au système de Darwin. J'ai déjà parlé, à propos de la création des animaux tertiaires, de la curieuse découverte faite par M. Meyer d'un double fossile, admirablement conservé, figurant une grenouille et son têtard. Il en a donné le dessin. Cette grenouille et ce têtard sont absolument identiques à ceux que nous avons sous les yeux tous les jours. Comment expliquer que cette transformation de têtard en grenouille se soit perpétuée ainsi depuis tant de siècles, de telle sorte que la grenouille n'ait pu encore s'affranchir des langes du têtard pour naître d'emblée grenouille, et conquérir ainsi son indépendance d'origine et de race? C'est que, contrairement aux allégations de Darwin, les lois du Créateur sont fixes et immuables. La grenouille continuera donc de passer par l'état de têtard, comme le papillon, cet autre spécimen de transformisme, continuera de passer par l'état de chrysalide, et il n'y aura en rang définitif de transitoire dans tout cela que les théories de Darwin. Submersion des variétés transitoires. Doléance de Darwin, il a recours à une hypothèse, submersion des continents, l'agissent les variétés transitoires, agassizes, nécessité d'un nouveau déluge, le rôti de Madame de Maintenon. Dans l'impossibilité où il se trouve de rencontrer ne fût-ce qu'un échantillon des espèces transitoires, Darwin s'en prend aux fossiles eux-mêmes. C'est leur submersion qui rend toute recherche vaine et stérile. Mais laissons-le nous exposer lui-même ses doléances. Si, dit-il, ma théorie est vraie, il est tout à fait certain qu'avant la formation des couches siluriennes inférieures, où se trouvent actuellement des fossiles, De longues périodes se sont écoulées, aussi longues et peut-être plus longues que celles qui ont suivi cet âge silurien. Or, pendant cette longue succession d'âges inconnus, le monde doit avoir fourmillé d'êtres vivants, passés successivement à l'état de fossiles. Pourquoi ne trouvons-nous pas ces assises fossilières, preuve matérielle des périodes primitives ? C'est une question à laquelle je ne saurais complètement répondre. Complètement est joli, mais c'est aucunement qu'il fallait dire. Il est vrai, continue-t-il, qu'une très petite partie du monde a été étudiée avec soin, mais pas si petite. Cependant, la difficulté de rendre compte de l'absence des fossiles qui, d'après mes théories, doivent nécessairement avoir été accumulés avant l'époque silurienne, est, je l'avoue, des plus graves. Le problème peut continuer à servir d'objection valable contre mon système. Cependant, pour bien montrer qu'il peut recevoir quelques jours sa solution, je me permettrai une hypothèse. Parfait. Voilà toujours bien Darwin. Pour défendre une première conjecture impossible à vérifier, il en invente une nouvelle, dont la vérification sera tout aussi impossible. Mais enfin, quelle est donc cette fameuse hypothèse ? À une époque incommensurablement reculée, dit-il, au-delà des temps siluriens, des continents ont peut-être existé où des océans s'étendent aujourd'hui, tandis que des mers sans bornes ont recouvert peut-être la place de nos continents actuels où se trouvent des gisements de fossiles. Note. Un savant éminent, Monsieur Fay, a dit, le véritable homme de science sait ce que valent les hypothèses. Il se gardera bien d'y attacher d'autre prix que celui d'un moyen commode de fixer les idées, et surtout il ne raisonnera jamais à perte de vue sur de pareilles bases. Fin de la note. Que, de peut-être pour aboutir à une impossibilité et à un non-sens, comment, c'est la submersion des continents où se trouvent les fossiles de la première époque qui empêche de découvrir ces fossiles, en rendant les fouilles impraticables. Il vous faut par conséquent un nouveau déluge pour que, les terres reprenant leur ancienne place et les mers leurs anciens bassins, vous retrouviez les fossiles qui manquent à votre appel. Ceci nous donne un spécimen des procédés habituels de Darwin. Agassiz dit à cette occasion, Darwin, par le dédain qu'il affecte pour les preuves matérielles, rappelle cette école de penseurs qui, s'inspirant de Schelling, appliquèrent sa philosophie à l'histoire naturelle. Alors aussi on vit acclamer une doctrine toute faite, embrassant la nature entière, et n'offrant d'autres garanties que l'infatuation de ses auteurs. Je crois qu'il en sera de l'enseignement de Darwin comme de celui de cette secte. Je suis tout à fait de l'avis d'Agassiz. Je remarquerai, à ce propos, qu'il y a toujours, dans ce que dit Darwin, sinon un fond, du moins une apparence de vrai, dont il est le premier la dupe, car il bâtit là-dessus tout un échafaudage de systèmes plus inacceptables les uns que les autres. Ainsi, on ne saurait nier que certaines mers occupent aujourd'hui l'emplacement de certaines terres. J'ai vu moi-même, dit Ovid, ce qui était autrefois un sol très solide converti en un golfe. Le même phénomène continue, maintenant encore, de se produire sous nos yeux, sur une plus ou moins grande échelle, ne fût-ce que sur les côtes de la Normandie où, chaque année, la mer empiète très sensiblement sur la terre ferme. Par contre, il existe des endroits où c'est le sol qui avance, tandis que la mer recule. Et la terre s'accroît par le décroît des eaux. Note. Quel est l'auteur de ce vers qui traduit si heureusement le decrescentibus indice du texte latin? Je pourrais le donner à deviner en mille, c'est Chapelain, le même qui, de son lourd marteau martelant le bon sens a fait de méchants vers 12 × 1200. N'importe, j'aimerais encore mieux avoir fait la pucelle de Chapelain que la pucelle de Voltaire, car enfin on pardonne de méchants vers, mais on ne pardonne pas une méchante action. Fin de la note. Mais les submersions des continents, pas plus que les submersions des fossiles, n'ont rien à voir avec toutes ces petites tempêtes dans un verre d'eau. Les riverains seuls y sont intéressés, suivant qu'ils perdent des terrains ou gagnent des alluvions. Arrêtons-nous donc. Ce n'est pas que Darwin entre ici dans des considérations fort ingénieuses, seulement il use un peu du procédé de Madame Scarron, depuis Madame de Maintenon, racontant à ses convives d'émouvantes histoires pour leur faire oublier le rôti qui ne devait point paraître. Seulement ici le rôti, c'est l'espèce transitoire. Quoi qu'il en soit, Darwin, médiocrement rassuré sur le succès de son hypothèse, a recours, comme argument de renfort ou de rechange, à une métaphore, qu'il empruntait M. Liel, c'est celle des archives de la nature. Mutilation ou perte des archives de la nature. Une métaphore, c'est plutôt une calembredaine, phrase à la turque, Monsieur de Pixérécourt et sa bibliothèque, un dialogue à propos des archives de la nature, mésaventure d'un volume, sa prétendue mutilation, le petit coup de marteau des savants, un peintre fantaisiste. Voici cette métaphore, je regarde, dit Darwin, les archives naturelles de la géologie comme des mémoires tenues avec négligence, pour servir à l'histoire du monde, et rédigé dans un idiome mutilé et presque perdu. De cette histoire nous n'avons que le dernier volume, qui contient le récit des événements passés dans 2 ou 3 contrées, même de ce volume on a conservé seulement ici et là un court chapitre, et de chaque page quelques lignes seules restent lisibles. Les mois de la langue lentement changeante dans laquelle cette obscure histoire est écrite représentent les changements des formes de la vie ensevelies dans nos strates superposées. Pardon. J'ai appelé cela une métaphore. J'efface le mot pour le remplacer par celui de calembredaine, qui, moins euphonique, peint beaucoup mieux la situation. Vous parlez de mutilation et de perte des archives de la nature. Les orientaux, eux aussi, quand ils sont dans l'embarras, se tirent d'affaire par quelques phrases approchantes. Dieu est Dieu, Mahomet est son prophète, ce qui est écrit. Tout ce que vous voudrez, seulement les formules turques et autres, de même farine, n'ont pas encore cours forcé dans la science à titre d'argument. Non, l'explication donnée par Darwin n'en est pas une, ou du moins n'est pas une réponse sérieuse, que, vous déploriez, d'une manière générale, les inconvénients attachés à la perte ou à la détérioration des livres, rien de plus juste. Je suis d'autant plus de votre avis que j'ai été tenté bien des fois d'inscrire, en tête de ma bibliothèque, cet avis au lecteur que de Pixérécourt, le célèbre auteur dramaturge des boulevards, avait fait graver à l'endroit le plus apparent de la sienne. Tel est le triste sort de tout livre prêté. Souvent il est perdu, toujours il est gâté. Mais, je le répète encore, si le principe en soi est vrai, l'application qu'en a fait Darwin n'était pas à sa place. Car enfin le livre de la nature, puisque livre il y a, ne se compose ni de volumes isolés, ni de pages indépendantes, ni de lignes détachées. Il représente un ensemble de chapitres que Darwin affirme précisément être unis par des liens indissolubles. Ces liens, que nous avons dit s'appeler variétés transitoires, font même tellement corps avec les chapitres, que la même catastrophe qui fera disparaître les uns anéantira forcément les autres. Ainsi, en fait de salut ou de perte du volume, pas de fractionnement possible, tout ou rien. Cette question des archives de la nature est un point capital dans la doctrine que je réfute. Par suite, il ne saurait y avoir place à aucune équivoque. C'est ce qui m'engage à présenter ma pensée, non plus seulement sous forme de raisonnement, mais sous forme de dialogue. Je suppose donc que Darwin rencontre un de ses amis, et qu'il s'établit entre eux la conversation suivante. Darwin, il faut avouer que je n'ai pas de chance, j'avais un livre auquel je tenais beaucoup, et on me le rend tout massacré. L'ami, cela ne m'étonne pas, on n'en fait jamais d'autre. Darwin, oui, mais, ce qu'il y a de plus étrange, c'est que les feuilles impaires sont les seules qui manquent, tandis que les feuilles paires restent au contraire intactes. L'ami, je ne vous comprends pas, car enfin le feuillet impair et le feuillet pair ne forment qu'une feuille unique, puisque ce sont les deux côtés de la même feuille. Darwin, laissez-moi achever, et vous verrez que c'est la chose la plus compréhensible du monde. Il y a une page de détruite sur deux, le recto existe, pas le verso. Comprenez-vous maintenant? Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que, pour comble de guignon, les pages conservées sont précisément celles qui condamnent mon système, tandis que les pages manquantes sont celles, au contraire, qui devaient en assurer le triomphe. L'ami réfléchit un instant, regarde son interlocuteur pour bien s'assurer qu'il parle sérieusement, puis, voyant qu'effectivement il ne bronche pas, il le quitte, sous un prétexte quelconque, murmurant entre ses dents. Décidément, ces savants ont tous un petit coup de marteau. Le poète l'avait dit déjà, le bon Homère lui-même sommeille quelquefois. Cela est vrai, seulement il s'appelle Homère, d'ailleurs ses petits sommes ne sont point de longue durée. Ici, au contraire, il s'agit, non pas de rêves intermittents, mais d'une rêvasserie continuelle, qui fait de l'individu un second Épiménide. Cette persistance de Darwin a annoncé l'existence de certains êtres dont il ajourne toujours l'exhibition me rappelle une petite anecdote bien connue, mais qui trouve ici sa place si naturellement qu'on m'excusera de la rappeler. Un peintre avait exposé une simple toile, qu'entourait un cadre magnifique, sur lequel on lisait « Passage de la mer Rouge ». Pourquoi, lui dit-on, cette inscription, puisque votre toile ne représente rien? Comment, elle ne représente rien? C'est que vous ne savez pas chercher? Alors, cherchons ensemble. Où sont les Hébreux? Ils sont déjà passés, et les Égyptiens? Ils ne sont pas encore arrivés. Et la mer, elle est retirée. Ainsi s'expliquait la nudité de la toile. Ce peintre fantaisiste n'était-il pas quelque peu parent de Darwin? Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.